filiales du nord au sud de la ville, 1432 messieurs sont en train de peindre les mêmes pancartes que vous pour aller assister au couronnement de leur reine. Cernées qui s'amènent en trottinant, elles disent qu'elles viennent chercher de l'argent. Madame ? Alors, on dirait que vous venez de tomber du perchoir. Je suppose que vous venez chercher la prime pour votre maquis. Bon, eh bien vous n'aurez rien, vous entendez ? Rien du tout. Comment devons-nous l'entendre, madame ? Envoyer ma boutique ? Faire irruption dans une maison en dette à 3h du matin ? Feriez mieux de dormir pour vous reposer du turbin. Vous êtes appétissante comme du lait vomi. Ainsi, madame, vous ne voulez pas nous verser les honoraires convenus pour l'arrestation de monsieur Mackie. Exactement. Veniez chercher vos deniers de Judas. Ben vous repartirez avec des clous. Et pourquoi donc, madame? Parce que votre beau monsieur Mackie a de nouveau pris la poudre d'escampette. Voilà pourquoi. Maintenant, mesdames, évacuez les lieux en vitesse. Ah, celle-là est un peu forte. Dites-donc, il faudrait pas trop s'amuser avec nous. Je tiens à vous prévenir, mais pas avec nous. Viche, ces dames désirent qu'on les conduise. Oh, mais c'est quoi? J'espère que tu ne leur as pas donné l'argent. Alors, mesdames, monsieur Mackie, est-il en tôle ou n'est-il pas en tôle? Ah, oh, vous foutez-moi la paix avec votre monsieur Mackie. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Cette nuit, j'ai dû laisser partir un client, tellement je pleurais dans mon oreiller à l'idée de vous avoir vendu un gentleman comme lui. Oui, mesdames. Oh, et ce matin, je vous le donne en mille. Il n'y a pas une heure, je venais de m'endormir à force de pleurer. J'entends mon siffle dans la rue, je regarde, et qu'est-ce que je vois? Ce monsieur qui venait de me faire pleurer, qui me crie de lui jeter ma clé. Il venait dans mes bras me faire oublier tout le mal que je lui avais fait. C'est vraiment le dernier gentleman de la ville, mesdames. Et c'est notre collègue, celui qui Taudry n'est pas avec nous en ce moment. C'est uniquement parce qu'après m'avoir quitté, il est allé chez elle pour la consoler à son tour. Celui qui Taudry. Vous voyez bien que vous lui arrivez pas à la cheville, sale mouchard. Fitch, cours immédiatement au poste de police le plus proche. Déclarez que monsieur Mackie séjourne actuellement chez mademoiselle Sucky Taudry. Mais mesdames, mais pourquoi nous disputons-nous? L'argent vous sera versé, mais cela va de soi. Cher Célia, si tu allais faire du café pour ces dames au lieu de les insulter comme une concierge. Mesdames. Sucky Taudry. Mesdames, je vous en prie. Madame, madame. Allez, au travail, au travail! Vous seriez tous en train de crever si je n'avais pas consacré mes nuits blanches à chercher le moyen de tirer un pénis de votre misère. Et j'en suis arrivé à la conclusion que si les puissants de la Terre sont capables de provoquer la misère, ils sont incapables d'en supporter la vue. Car ce sont des faibles et des imbéciles, exactement comme vous. S'ils ont à bouffer jusqu'à la fin de leur jour, s'ils peuvent enduire leur plancher de beurre pour engraisser jusqu'aux miettes qui tombent de leur table, ils ne peuvent pas voir de sang-froid un homme tomber d'inanition dans la rue. Encore faut-il qu'ils viennent tomber juste devant leur porte. Vous pourrez repasser demain au magasin pour prendre votre argent. Mais madame Pichou, c'est vraiment pas rassemblement dans une demi-heure devant le palais. 22. J'ai pas pu arriver jusqu'au poste, la police est déjà là. Allez, cachez-vous, cachez-vous. Allez vite, rassemble l'orchestre. Et quand tu m'entendras dire le mot innocent, tu comprends, innocent? Innocent, oui, je comprends rien de... Oui, bien évidemment, tu le comprends rien. Bon, mais c'est le signal. Quand je dirai le mot innocent, alors vous vous mettrez à jouer n'importe quoi. Allez, vite. À nous deux, monsieur l'ami des mendiants, ça va parler. Smith, enchaîne-le tout de suite. Ah, voilà quelques-unes de ces ravissantes pancartes. victime de la brutalité militaire. C'est vous la victime. Bonjour, Brown. Bonjour. Bien dormi? Pardon. Bonjour, Brown. C'est à moi que ce monsieur s'adresse, vous connaissez-vous? Moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Ah, non. Bonjour, Brown. La fatuité en sauter son chapeau de la tête. Eh bien, Brown, puisque vos pas vous portent par hasard en ces lieux, je dis bien par hasard. Oui. J'en profite pour vous demander de bien vouloir mettre enfin sous les verrous un certain Mackie. Cet homme est fou. N'auriez pas Smith ? À propos, Smith, dites-moi, comment se fait-il que ce malfaiteur notoire circule librement dans les rues de notre ville ? Parce qu'il est votre ami, Brown. Ah oui, qui ça ? Le Marquis de Surineur, pas moi. Moi, je ne suis pas un malfaiteur. Je ne suis qu'un pauvre homme. À moi, vous ne pourrez pas me faire subir vos mauvais traitements. Brown, oui. Préparez-vous à vivre les plus sales heures de votre existence. Voulez-vous une tasse de café? De mes enfants, donnez donc une tasse de café à monsieur le chef de la police. Un peu de savoir-vivre, voyons. Non, non, ne nous disputons pas pour rien. Nous tous ici présents, nous respectons les lois. Les lois sont faites pour mieux exploiter ceux qui ne les comprennent pas. Ou ceux que la misère la plus noire empêche de s'y conformer. Et qui veut recueillir quelques miettes de cette gigantesque exploitation doit respecter scrupuleusement les lois. Vous tenez donc nos juges pour corruptibles. Au contraire, monsieur, bien au contraire. Nos juges sont parfaitement et radicalement incorruptibles. Aucune somme d'argent, aucune pression d'aucune sorte ne peut les inciter à rendre une justice équitable. Départ des troupes qui vont former la haie. Dans une demi-heure, départ du cortège des plus déshérités des déshérités. Eh bien oui, c'est ça, monsieur Pitchoum. Départ dans une demi-heure des plus déshérités des déshérités pour les cachots de la prison centrale où ils prendront leur quartier d'hiver. Vous avez déjà entendu parler de Tiger Brown? Allez, les gars, vous me rassemblez tout ce que vous trouvez là-dedans, comme patriotes. Cette nuit, mon cher Pitchoum, j'ai trouvé la solution. Ah, et je puis le dire, sauver ainsi un ami d'une mort certaine, je vais tout simplement enfumer votre tanière et coffrer tout le monde pour... Ah oui, au fait, pourquoi? Tiens, j'y suis, pour mendicité sur la voie publique. J'ai cru comprendre que vous vouliez nous lâcher sur le dos vos mendiants, à moi et à la reine. Eh bien, moi, je coffre les mendiants. Ça vous servira de leçon. Très bien. Mais quels mendiants? Mais tous ces clopés, là. Allez, Smith, nous emmenons tous ces messieurs, les patriotes. Brown, permettez-moi de vous mettre en garde contre les risques d'une décision irréfléchie. Remerciez le Seigneur, Brown, de vous avoir conduit jusqu'à moi. Voyez-vous, Brown, vous pouvez bien arrêter tous ces pauvres gens. Ils sont innocents, mais innocents!